les salopards. Hey, j'ai Charles le bolide, j'ai la logistique pour Veski Police. J'roule à 270 vue sur la corniche. Tu veux pisser, tiens la taille. J't'ai dit une fois que j'suis assis, j'm'arrêterai pas sur la 7. J'veux plus passer aux assises, j'veux la franchise, pas l'assiette. J'suis dans la strip, y'a pas de baraka. J'suis broliqué, j'suis pas baraqué. Qu'est-ce que tu veux que j'écoute ton baratin? Même un aveugle l'aurait pas raté. Le prix monte avec les kilomètres. J'parle entre eux mais pas en kilo, mec. J'pose série, pas de malin. 3 millions pour émaler. 3 séries, 5 j'fais un gala. Retour à les Paris Tanger. J'suis proche de la tombe, loin du paradis. Aurais-je le temps de faire mon repenti? Logé nourri grâce au cannabis. Reportage sevrant, Beaudot sur Canal+. Puis j'écras dans la bouche, tu l'appelles ma biche. J'ai passé la frontière, j'ai cassé ma puce. J'sortirai jamais le bang pour eux. J'me contenterai de baf pour eux. J'sortirai pas le T-Max pour eux. J'me contenterai de baf pour eux. J'sortirai jamais le bang pour eux. J'me contenterai de baf pour eux. J'sortirai pas le T-Max pour eux. Je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame. T'envoies des mots doux, j'envoie des mandats. Jamais rétrogradé, sourire au radar. Sourire au gradé, sourire au bâtard. Bex, stupéfiant, stupéfiant. Stupéfiant, stupéfiant. Stupéfiant, stupéfiant. Stupéfiant. Je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame. T'envoies des mots doux, j'envoie des mandats. Jamais rétrogradé, sourire au radar. Sourire au gradé, sourire au bâtard. Bex, stupéfiant, stupéfiant. Stupéfiant, stupéfiant. Stupéfiant. Importante saisie de drogue à Tanger cette fois. L'opération s'est déroulée dans les environs du centre-ville, de la cité, du Détroit. Cette opération qui a permis de saisir une dizaine de tonnes de shira est en relation avec celle réalisée il y a 4 jours au port de Tangemed par les services de sûreté nationale. Pas moins de 13 tonnes et 750 kilos de résine de cannabis avaient alors été confisqués par la Direction générale de la Sûreté nationale. Ils me demandent, je reviens quand, je leur demande, je suis parti quand, je veux l'ordre du Vatican, marocain trafiquant, numéro 1 sur la salle en manigance, on sera satisfait de la vie quand la niquant. Vu que le khalis vaut mieux qu'une paire de fesses, je pèse, je pourrais te raconter des choses. Poto, je suis dans le RS avec MAES. Laisse ces fils de pute jouer les choses, je paierai mon avocat. Si on te sort un toka, plus le temps pour la bagarre, ça te fume pour 10 salaires. Kava même au placard, ta gars dans les bagages, remonte à Malaga, y'a pas trop de cigalères. La rue c'est macabre, on m'a appris déjà, jamais baisser ma garde, on impose le thème, qui est à ma 212, c'est la ligue du trafic. Tu peux garder la frime, allez niquer ta mère. Bang, le rappeur à gauche, m'en bats les couilles frérot. Discret parano comme un dealer d'héros. Si tu veux faire affaire avec un IRO, faut que tu déplaces la virgule de 2-3-0. Réseau saturé, tout le monde sur le coup. Qui dalle Mali jusqu'en Mauritanie. Une escale au Maroc ou en Algérie. Un remonte par où l'Espagne ou l'Italie. Pressé de la coupe et de la presse et de la pesée. Un coup c'est de la foudre et c'est pas la même. C'est pas le même filon, j'ai le tarif à la baisse. C'est pas le même pilon, pas le même bif. Ok, c'est fils de pute, on a grandi vite, vite. J'vais ce qu'il en depute les. Fit, fit, t'as vu des kilomètres de bite, vite, j'ai vu des kilomètres de shit. Je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame, t'envoie des mots doux, j'envoie des mandats, jamais rétrogradé, sourire au radar, sourire au gradé, sourire au bâtard. Bex, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant. Hey, je veux le magot Amada, je calcule pas ta dame, t'envoie des mots doux, j'envoie des mandats, jamais rétrogradé, sourire au radar, sourire au gradé, sourire au bâtard. Bex, stupéfiant. Stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant, stupéfiant.